jour peut-être tes droits et ta vie étaient toujours établis. Tes ancêtres ont créé notre univers. C'était des gars fiers de vivre. Partie à eux si nos biens sont détruits. La race, notre race, c'est la plus tenace. Ni le temps, ni l'espace, rien ne l'efface, rien ne l'efface. Celui qui se laisse détruire, ou celui qui se laisse faire, c'est lui qui peut nous nuire, comme on le voit depuis.